Bon, je pense que le signal du départ a été donné. Alors, bienvenue à tous au Centre d'Universalité. Ce soir, c'est François Payot qui va recevoir Daniel Kemp pour sa conférence intitulée « Non aux hommes de bonne volonté ». C'est encore une fois toute une surprise, tout un programme. On se demande ce qui se cache derrière ce titre-là. On ne va pas tarder à le découvrir. Comme d'ailleurs, tout finit par se découvrir. Vous l'avez vu récemment, cette semaine. Dès que ces phénomènes célestes sont apparus sur le terrain québécois et étaient annoncés ici même au centre de l'universalité par tous les conférenciers, qu'il fallait faire preuve de beaucoup de discernement, qu'il y avait là-dessous évidemment une manipulation flagrante pour ceux qui ont ce discernement ou cette extra-lucidité. Maintenant, si le scandale doit arriver, tant pis pour ceux qui le provoquent, mais à tout malheur... Il y a tout le temps un aspect positif dans le sens que si cette chose-là est arrivée au Québec, c'est que finalement, nous avons été gratifiés de cette expérience. Ça a profité à quelques dizaines de milliers de moutons, entre guillemets, qui se sont fait ouvrir les yeux, finalement, par un choc peut-être un peu brutal. Mais la réalité, elle est ce qu'elle est. Les choses sont telles qu'elles sont. Et... je pense que ce qui est arrivé au Québec, ça vaut des centaines de conférences. C'est en fait le produit fini, le résultat de tout ce qu'on essaye de faire ici comme travail au niveau de l'homme nouveau, au niveau du discernement. Donc, il est heureux que ces choses-là soient arrivées. Les acteurs de ce scénario lamentable, de cette supercherie, vous avez pu peut-être vous en rendre compte vous-même. Lorsqu'il y a volonté de sublimer des énergies sexuelles, de vouloir canaliser les énergies sexuelles dans le tantrisme ou alors par des vœux de chasteté, ces choses-là débouchent généralement, à coup sûr, sur une névrose ou sur du mysticisme. Et le mysticisme débouche avec l'orgueil ou le désappointement, sur de la manipulation. Alors, je pense que Daniel Kemp fait ce travail ici de dénoncer toutes ces manipulations depuis 2 ans, au niveau théorique, au niveau de la compréhension, et on a eu aujourd'hui le résultat de ce travail, la preuve qu'il y a toujours anguille sous roche quand l'esprit n'est pas éveillé et qu'il y a à la place une volonté émotionnelle ou une carence affective. Il me reste, avant de commencer l'interview de Daniel, de vous parler du prochain séminaire sur l'homme nouveau qui aura lieu ici le 1er et le 2 février prochain. Séminaire intensif, donc, sur l'homme nouveau qui sera donné par Daniel Kemp. Il y aura également une soirée d'information gratuite mercredi prochain à 19h sur les arts martiaux qui sont enseignés ici par Daniel Kemp et que l'on appelle l'art d'aime. Ça, c'est une soirée gratuite, mercredi prochain à 19h. Pour le symposium en fin de mois, donc, qui aura lieu le 26 janvier, rencontre avec des hommes nouveaux, les conférenciers sont justement Roger Drolette, Dominique Toupin, Daniel Ménard et Daniel Kemp. Les billets sont disponibles. Pour toute information complémentaire, il suffit de voir notre ami Mario Gosselin qui est aux inscriptions en avant. Et je vous rappelle le spécial qui a toujours lieu au Centre d'Universalité. À l'achat du billet pour la prochaine conférence de Daniel Kemp, vous pouvez bénéficier de l'enregistrement gratuit de cette première partie de conférence. Alors, il y a donc une première partie d'une heure, suivie d'une pause d'une demi-heure, et une deuxième partie d'une heure où vous ferez entendre vos questions. Alors, généralement, les gens attendent la pause pour écrire leurs questions, mais moi, je vous demanderai de le faire au fur et à mesure que l'interview se déroule, pour que ça soit plus frais dans votre mémoire, que les questions soient plus ajustées à la conférence. Voilà, il me reste maintenant à accueillir Daniel Kemp. Daniel, il fait un temps à pas mettre une icône dehors, hein? Le sang gèlerait. gang d'iconoclastes, comme disait Capitaine Haddock. Haddock, oui. Bashibouzouk. Peux-tu nous faire un petit commentaire sur ce qui a été vécu cette semaine au niveau du Québec? Oui, on a des milliers de personnes de bonne volonté qui se sont déplacées. Ça introduit très bien le thème. Ouais. Je demandais qu'est-ce que je voulais dire par non aux hommes de bonne volonté. Alors, la conférence est finie. Merci. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Daniel Kem. Bonsoir, à la semaine prochaine. C'est vrai, quand on a compris, on a compris. Alors, il nous reste un peu à épiloguer là-dessus et pas faire ça sous forme d'oraison jaculatoire, comme ils disent les théologiens. Alors, effectivement, ce qui est assez original, c'est qu'il y a deux semaines de cela, sous les ondes de CKVL, je parlais de la manipulation et de la conscience collective. Et plusieurs auditeurs et tristes m'ont traité d'imbécile et de menteur. La semaine d'après, les icônes commençaient à suinter. Quelques jours après, on découvrait certaines formes de supercherie. Et cette semaine, eh bien, nous avons reparlé des manipulations. Et là, il n'y a personne qui a téléphoné me traiter d'imbécile. La conscience collective, on a de la difficulté à la saisir tant qu'on est intégré dans cette conscience collective. Autrement dit, tant que nous ne pensons pas, mais que nous laissons la collectivité, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui ne pensent pas, penser pour nous. Lorsque plusieurs individus ne pensent pas et qu'ils vivent ensemble, cela crée un mouvement collectif, un mouvement de troupeau. Et ce mouvement de troupeau ressemble à une pensée. Bien souvent, on peut prendre l'exemple politique d'une masse qui sont contre quelque chose, mais qui pensent que les autres sont pour. Alors, ils vont tous voter pour, parce que l'ego veut gagner. Alors, on va donc mettre en place un projet, une loi ou un gouvernement qui ne plaît à presque personne et qui aura été voté par tout le monde. Et c'est ça, la conscience collective. Parce qu'une statue de plâtre saigne, et soit dit en passant, cela se peut qu'une statue de plâtre saigne. Parce que si l'on ne fait que regarder l'être humain qui existe, si un corps matériel, animé, ayant un cœur qui peut battre et ayant la possibilité d'avoir des émotions et de réfléchir, si ça, ça se peut, si ça peut exister, entre un homme, entre un humain et une statue de bois ou de plâtre qui saigne, la statue devient facile à créer. La vraie question, c'est donc pas de savoir si la statue saigne ou si les icônes soit, mais c'est de savoir qu'est-ce que c'est que ça nous apporte. Exactement, on s'en fout qu'une statue saigne, soigne, pleure, braille. Une personne a téléphoné ici dernièrement pour nous jouer un tour et elle nous a demandé si ça soignait ici au centre de l'Université. Et c'est moi qui avais répondu. Alors je lui ai dit, effectivement, on a trois peintures dans notre salon qui soignent. C'est pour ça qu'il y a tant de monde ce soir. On va récupérer ce truc-là, c'est pas mal en fait. Et la personne a raccroché. Donc, ce n'est pas la question de savoir si le phénomène est possible ou pas possible, mais le résultat, la conséquence de ceci et tout. Puis... De là à dire que Dieu se manifeste par une icône en la faisant suinter pour rappeler les fidèles qu'ils devraient retourner un peu plus vers l'Église. C'est satanique, c'est démoniaque de penser cela pour la simple raison que si moi j'étais un Dieu qui veut s'exprimer pour faire connaître quelque chose à l'homme, je ferais repousser les bras de ceux qui en ont perdu. Je guérirais la fibrose kystique. Je ferais d'autres genres de miracles que de faire saigner des statues de plâtre. Et lorsqu'une statue de plâtre, de marbre ou de n'importe quoi se met à suinter ou à saigner, on a une manifestation de quelque chose. Est-ce que nécessairement on doit se remettre à adorer? Sachez ceci. Lorsque l'homme commence à réfléchir de par lui-même, lorsque l'homme commence à être libéré, ce n'est plus un homme de bonne volonté. Et lorsque l'homme commence à réfléchir et à se libérer, automatiquement les manipulations collectives, ce que nous appelons ésotériquement l'astral collectif, l'astral planétaire, va tout faire pour récupérer les personnes à elles-mêmes. Lorsque les personnes ont commencé à douter qu'ils étaient peut-être manipulés depuis de longues années par certains critères religieux, le fait de placer une statue de plâtre qui va saigner fait que toutes ces personnes qui commençaient à se libérer, à devenir individuelles, disent « Phew, une chance que ça suinte. J'ai failli me séparer de Dieu. » Alors, on retourne tous voir la statue pour prier et demander le pardon. Et c'est un moyen collectif de récupération de personnes qui allaient devenir intelligentes. Intelligentes dans le sens supramental et non pas intellectuantes. Une personne qui n'est pas intelligente au niveau ésotérique, ce n'est pas une personne stupide. Le terme intelligence, tel que je l'emploie, fait référence à une expression de savoir non mémorisé. Qu'est-ce que c'est qu'un homme de bonne volonté? C'est une fichue bonne question. On va lire dans certains textes sacrés, dont l'un en particulier, « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Cela veut dire « paix à qui ?» On va dire aussi que le travail, dans certaines écoles traditionnelles sectaires, on va dire que le travail ne sera salutaire qu'aux hommes de bonne volonté. On va dire ailleurs que les élus seront les hommes de bonne volonté. Et on fonctionne longtemps avec ce critère de bonne volonté. Ce qu'on appelle donc de la bonne volonté, c'est plutôt une volonté émotionnelle qu'une volonté réelle. C'est encore au niveau du plexus solaire, ça, au niveau émotionnel. Évidemment, mais c'est plus que ça, une bonne volonté. Lorsque vous vous adressez à quelqu'un, prenons par exemple dans votre famille, vous vous adressez à un enfant et vous lui dites « fais ceci ». Il lui dit non. Vous pouvez avoir à un moment donné tendance à dire « aie donc de la volonté » ou « sois donc de bonne volonté » et « fais le don ». Et on se rapproche de la bonne volonté. Et paix aux hommes de bonne volonté parce que ces hommes ne savent pas quoi faire, ne savent pas ce qu'ils font et ne peuvent pas rien faire d'autre. Alors, étant donné que ce n'est pas de leur faute, on ne peut que leur souhaiter la paix. Lorsque un juge, par exemple, va dire à un citoyen devant un tribunal qu'il n'est pas de bonne volonté, ça fait 3 fois qu'il va commettre un délit. Banni par la société, c'est la 3e fois. Il n'est pas de bonne volonté, le gars. Qu'est-ce que c'est être de bonne volonté? Cela veut dire, cela a voulu dire, dans le passé, aller à l'église au moins 1 fois par semaine. Parce que Dieu demandait à l'homme 1 heure de son temps par semaine. Alors soyez donc de bonne volonté et faites le don. Chaque fois qu'un être a voulu fonctionner de par sa propre intelligence, d'une façon marginale à la société, ça l'a toujours donné un être de mauvaise volonté. Et chaque fois qu'un être était d'accord pour fonctionner dans le collectivisme de la société, on avait affaire à un être de bonne volonté. Il fut un temps où la loi, instaurée sur le plan planétaire par des énergies qui porte d'une façon déformée le nom de Jéhovah, ont érigé autour de l'homme des mécanismes religieux pour obliger celui-ci à cesser de tomber dans les failles, dans les trous, c'est-à-dire à cesser de s'entretuer, à commencer à envisager que les guerres pour prouver son Dieu devaient cesser. Alors on a instauré une religion monothéiste, un seul Dieu, qui a réuni sous sa bannière les hommes. Et les hommes qui refusaient d'être réunis étaient des hommes de mauvaise volonté. Et les hommes qui acceptaient de suivre le chemin collectif ne pouvaient être autre chose que des hommes de bonne volonté. Chaque fois qu'on emploie le terme « homme de bonne volonté », on parle de l'homme collectif. Parce que si vous n'êtes plus collectif et que vous voulez faire à votre tête, même si cela est pour le bien de la collectivité, vous ne serez plus des hommes de bonne volonté. Peut-être après votre mort, peut-être 15 ans après une action, on va dire, mais en fin de compte, ce qu'il a fait était bon. Et on va peut-être vous réintégrer dans le contexte de bonne volonté. Bon, mauvais, ça ne peut pas être connu par l'homme. L'homme ne sait pas ce qui est bon et l'homme ne sait pas ce qui est mauvais. L'homme décide que les choses sont bonnes et l'homme décide que certaines choses sont mauvaises. On dit aussi que l'homme a la faculté de connaître le bien et le mal. Oui, mais l'homme n'a pas la faculté de discerner. Parce que l'homme n'a pas la faculté de comprendre le bien et le mal. Il peut le découvrir, le vivre. Il ne peut pas le comprendre intégralement. Il ne peut pas en voir la face. Alors l'homme va dire « telle chose est bien » parce que ça lui rapporte. Et « telle chose est mal » parce que ça ne lui rapporte pas. Tout le temps. Et lorsque l'homme fait quelque chose de bien collectivement qui rapporte à tout le monde, c'est un être de bonne volonté. Et lorsque l'homme fait quelque chose qui ne rapporte qu'à lui, même si cela ne nuit pas à la collectivité, on doute déjà de sa bonne volonté. Non aux hommes collectifs, non aux hommes de bonne volonté. J'ai tenté d'expliquer à certaines personnes qui maudissaient les personnages qui ont créé le mythe de la statue suintante. J'ai essayé de leur expliquer que peut-être ces êtres étaient de bonne volonté. Et tous ceux à qui j'en ai parlé m'ont dit, ben voyons donc, c'est une gang de... Pour ne pas employer leur expression, disons une gang de stupides, d'imbéciles, de farfelus, de mystificateurs, de bandits. Mais si ces personnages, avant de les condamner, moi je ne les condamne pas, je comprends des choses. Et si ces personnages, croyant avec ferveur en Dieu et voyant le troupeau infidèle de Dieu s'éloigner de Dieu, ont tenté de donner un coup de pouce à Dieu pour amener les fidèles vers Dieu, en faisant ce trucage, est-ce que ce sont des hommes de bonne volonté ou de mauvaise volonté? Pour les croyants, ça peut devenir des hommes de bonne volonté. Pour les non-croyants, c'est automatiquement des hommes de mauvaise volonté. Il reste des imbéciles. Chaque fois que l'homme veut donner un coup de pouce à Dieu, ça crée un problème comme celui qu'on a vécu. La première fois qu'une intelligence a voulu donner un coup de pouce à une intelligence supérieure, ça l'a créé l'homme. Et c'était de bonne volonté. Le fait d'être de bonne volonté n'implique pas pour autant le fait de faire ce qui doit être fait. Combien d'entre vous ont déjà voulu faire par bonne volonté quelque chose et ont-ils fait l'inverse? Combien de fois avez-vous voulu faire plaisir pour décevoir? Combien de fois avez-vous voulu aider pour nuire? Combien de fois avez-vous voulu aimer pour créer la haine? Vous étiez tous de bonne volonté, mais ça n'a pas fonctionné. Deuxième raison pour pouvoir dire non aux hommes de bonne volonté. Bon, mauvais, critère de sélection de l'homme. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Un mauvais herbe, qu'est-ce que c'est? La majorité des mauvaises herbes sont des plantes curatives, hautement salutaires pour la santé de l'homme, et qui poussent dans le décor esthétique de l'homme, déformant celui-ci. Comme le pissenlit, qui rend la pelouse laide. Comme différentes autres plantes. Et ça devient des mauvaises herbes. Qu'est-ce qu'un animal nuisible? Si on ferait un référendum à l'échelle de la planète au niveau de tout ce qui vit, on aurait sans doute un oui pour toute la vie et un non pour l'homme. Parce que comme animal nuisible, je pense que l'homme est passé maître sur la planète. Tandis que l'homme va décider que le loup est un animal nuisible, donc mauvais, parce que le loup lui nuit. Il va décider que les insectes sont nuisibles. Il va décider que la loutre peut être nuisible, que l'ours peut être nuisible, que tout ce qui nuit à l'homme peut être déclaré par l'homme animal nuisible. C'est une illusion. La volonté, qu'est-ce que c'est? Bonne volonté, mauvaise volonté. La volonté, C'est quelque chose qui, de par sa forme orale, a permis à l'homme d'instruire, d'enseigner, de se dynamiser positivement ou de s'insulter mutuellement, sans que celui-ci n'ait jamais réussi à comprendre exactement ce qu'il tentait de désigner par l'énergie volonté. J'ai déjà dit en conférence que tout le monde avait de la volonté. Certains avaient la volonté de ne rien faire, d'autres avaient la volonté de travailler. Et celui qui travaillait disait que celui qui ne faisait rien n'avait pas de volonté, tandis que celui qui était capable de foirer des mois de temps sans rien faire disait que celui qui travaillait n'avait pas de volonté. Parce que le paresseux disant à celui qui travaille, « Ne travaille pas 6 mois !» Le travailleur dit, « Voyons, non, je suis pas capable !» Le paresseux dit, « Oui, mais aie de la volonté un peu !» Puis cesse de travailler. Aie un peu de volonté, puis repose-toi pendant 6 mois à rien faire. Le travailleur peut pas, il n'y a pas assez de volonté. Et le travailleur, en revanche, va dire au paresseux, travaille, aie de la volonté. Puis le paresseux, il dit non, pas capable. Alors le travailleur dit, t'as pas assez de volonté. Vous savez, celui qui s'habille en punk a la volonté de s'habiller en punk. Et ne dites pas qu'il n'a pas de volonté, vous n'en avez pas assez pour vous habiller comme lui. Tandis que lui n'en a pas assez pour s'habiller comme vous. Alors, la volonté, tout le monde en a. La volonté, c'est la possibilité d'exprimer une énergie. Ça, c'est la volonté. Et chacun d'entre vous exprime régulièrement des énergies. Tout le temps. Qu'est-ce que l'antique religion essayait de désigner par bonne volonté? Ou qu'est-ce que le Nazaréen a essayé de désigner par les hommes de bonne volonté? De bonnes vibrations, presque de bonnes expressions. Alors, il faudrait que ce soit clair que tout le monde a de la volonté et on ne peut plus éduquer un enfant en lui disant « Aie de la volonté !» Là, vous voulez dire simplement « Assujettis-toi à moi, prends mon énergie et aie ma volonté. » Sois un homme de bonne volonté, sois un bel enfant, puis sois un bon esclave. Comme la société fait aussi avec les adultes. L'énergie intentionnelle, l'énergie créatrice, la seule énergie qui, dans le plan planétaire, semble avoir la possibilité de décider, celle qui a des intentions qu'on ne peut pas rapprocher des désirs de l'homme. On peut l'appeler énergie supramentale, dans le contexte québécois. Lorsque cette énergie descend chez l'homme, lorsque l'homme a la faculté de capter cette énergie, et l'homme a cette faculté depuis près de 4500 ans, en tant que collectivité. L'homme a la faculté de la réfléchir dans sa conscience depuis un peu plus de 2000 ans. Lorsque l'homme reçoit cette énergie. Cette énergie, si l'homme n'a pas de mental suffisamment développé, traverse celui-ci pour être intégré au niveau de l'ego, au niveau de la psychologie de l'homme, au niveau de l'émotion, de l'expérience, donc de la mémoire de l'homme. Donc, elle va être intégrée par l'âme de l'homme. L'énergie créatrice, lorsqu'elle est intégrée par l'âme de l'homme, elle va être déformée par celle-ci. Elle va être adaptée à l'homme. Lorsque l'énergie créatrice, ou l'énergie supramentale, ou l'énergie de l'Esprit-Saint, c'est tous la même chose, lorsque cette énergie descend dans l'ego, dans la psychologie, dans l'âme de l'homme, elle va obliger celui-ci, si l'âme est suffisamment pure, c'est-à-dire si l'âme est suffisamment subtile, c'est-à-dire si l'âme a perdu suffisamment de mémoire, c'est-à-dire si l'âme n'est pas trop matérielle, elle va obliger celle-ci à exprimer dans la matière une coloration plus ou moins parfaite de cette énergie créatrice. Là, on a devant soi un homme de bonne volonté. Mais ce n'est pas tout. L'homme de bonne volonté doit finir par être un homme de volonté. Un homme qui sera capable de laisser la volonté de quelque chose d'autre que son ego s'exprimer par lui. Lorsque l'énergie créatrice descend dans l'ego et que l'ego est suffisamment dense pour pouvoir transformer la coulée de l'énergie créatrice, ou de l'énergie intelligente, de façon à ce que celles-ci servent intégralement, totalement l'ego, on a affaire à un homme de mauvaise volonté. C'est-à-dire à un homme de volonté matérielle. À un être dangereux. À un homme qui va fonctionner en vue de l'involution de l'humanité. Tandis que si l'énergie intentionnelle est capable de déformer légèrement l'ego pour le diriger quelque peu vers un simulacre d'intelligence, on a accès à un homme de bonne volonté. Lorsque l'énergie intentionnelle descend chez un être humain, l'être humain peut avoir la faculté intelligente de créer, et cette faculté sera totalement, inconditionnellement anti-écologique. C'est-à-dire que l'univers complet sera l'ego même de la personne, alors il se foutra totalement de la loi d'action-réaction qu'il ne connaîtra pas, et il se foutra totalement des effets à long, court, moyen terme de ses actions. Donc, il sera prêt à détruire tout ce qu'il aura besoin de détruire de façon à ce que lui se sente bien. Lorsqu'on a accès à un homme de bonne volonté, c'est que l'énergie intentionnelle, l'énergie intelligente, colorant son ego, va lentement tendre à diriger cet ego vers l'intelligence, c'est-à-dire vers l'économie d'énergie, c'est-à-dire vers la conséquentialité, c'est-à-dire vers l'écologie. L'homme de bonne volonté pense à la paix, même s'il n'en comprend rien. L'homme de bonne volonté pense à l'amour, même s'il n'en comprend rien. L'homme de bonne volonté pense à soulager les souffrances, même s'il n'en voit pas leur utilité. L'homme de bonne volonté pense à évoluer, même s'il ne sait pas où aller. Et ces hommes de bonne volonté font partie de ce que le Nazaréen désignait. Pour être un homme de bonne volonté, lorsque l'énergie intentionnelle dévie légèrement la pensée de l'ego, de façon à ce que celle-ci s'adapte à un léger plan d'écologie, cela fait de l'être un être collectif. Il ne faut pas maudire l'être collectif. La première base d'un plan écologique, c'est de faire en sorte qu'une unité apparaisse dans la conscience de chacun des individus. Donc, automatiquement, l'être doit un jour devenir collectif pour finir par sentir dans son ego l'importance des autres. Et lorsque l'être a suffisamment été collectivé pour savoir, pour vivre, pour comprendre l'importance des autres, il doit commencer à perdre ce genre de bonne volonté pour devenir un être de volonté. C'est-à-dire pour devenir un être qui sera capable de lui-même d'influencer maintenant les hommes de bonne volonté pour pouvoir amorcer un plan écologique de plus en plus consistant et de plus en plus réel, de plus en plus efficace. Donc, dans les premiers temps, lorsque l'énergie intentionnelle descend chez l'homme, l'homme la capte d'une façon totalement colorée, d'une façon totalement déformée et s'en sert à ses propres fins. On a donc assistance à des clans. On va prendre assistance à des tribus, à des égrégores particuliers. Et on va s'affronter, on va faire la guerre continuellement entre chaque famille, entre chaque individu. Parce que soit on est plus important que tout. C'est vrai. Mais à ce niveau, ce n'est pas compris. Lorsque l'énergie intentionnelle densifie, c'est-à-dire énergise le plan de l'ego, il va lentement diriger l'ego vers un simulacre d'intelligence et va instaurer la première forme d'écologie humaine, le collectivisme. Lorsque l'être est collectif, à son insu, il devient écologique. À son insu, il cesse de tuer. Il ne sait pas pourquoi, mais il a l'impression qu'il fait bien. Et il fait bien. Lorsque le collectivisme est suffisamment énergisé, les individus qui ont expérimenté cette écologie collective inconsciente finissent par pouvoir laisser s'exprimer l'intelligence sans la colorer, sans la déformer. Autrement dit, l'ego laisse s'exprimer la volonté de quelqu'un d'autre. Autrement dit, l'ego ne fait plus quelque chose. Si je reprends les termes du Nazaréen, ce n'est pas ma volonté que j'exprime. C'est la volonté de mon Père. Terme spirituel adapté aux êtres à qui il parlait. Ce n'est pas ma volonté, donc ce n'est pas la volonté de mon contexte mémoriel d'expérience. Ce n'est pas la volonté de mon émotion, de mes désirs. C'est la volonté de mon intelligence, donc de mon esprit. Et l'esprit est ce qui crée et énergise l'ego dans son évolution. Donc l'ego peut réellement se permettre de dire « c'est la volonté de mon Père et non la mienne ». Lorsque l'énergie intelligente est capable de s'exprimer directement par l'ego translucide, donc par un ego qui n'a plus de désir de déformer pour adapter, donc à travers un ego qui est sécure, à travers un ego qui n'est plus insécure, à travers un ego qui est confiant, et pour que l'ego soit confiant, l'ego doit savoir que l'esprit est plus puissant que lui. Il y aurait donc deux sortes de volontés, a priori. La volonté de l'ego, qui est soit bonne ou mauvaise, et puis la volonté de l'esprit, qui est réelle. Mais à ce stade-là de ton exposé, là, quelle serait la part de libre arbitre que tu accordes à l'homme ancien et à l'homme nouveau, à l'homme inconscient et à l'homme en voie de conscientisation? Bon, c'est toujours un peu traumatisant lorsqu'on pose cette question, parce que j'y réponds. Il n'y a pas de libre arbitre, ni chez l'homme ancien, ni chez l'homme nouveau. Le libre arbitre existe dans un contexte extrêmement limité. Donc, au niveau universel, l'homme ne vit pas de libre arbitre. C'est-à-dire que, dans une conférence antérieure, la destinée ou le libre arbitre, j'expliquais d'une façon imagée que lorsque vous êtes à Montréal, vous vous promenez dans un véhicule automobile et vous avez le libre arbitre de prendre le chemin que vous voulez. Mais vous n'êtes pas libre de passer par où vous voulez. Alors ceux qui essaient de traverser les maisons découvrent qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Ils en ont un dans ce qu'on leur permet. Et l'ego a un libre arbitre dans ce qui lui est permis. Lorsque l'ego veut traverser un mur ou s'envoler, il ne peut le faire que dans le rêve. Sinon, il doit payer en énergie sa possibilité de se libérer matériellement. L'énergie peut être de l'énergie monétaire, donc l'achat d'un avion, comme de l'énergie initiatique au niveau d'évolution pour arriver à transcender les limites de la matière. Le libre arbitre de l'homme ancien se résumerait spirituellement à ceci. L'homme ancien peut être assujetti, manipulé par Satan, tandis que l'homme nouveau serait manipulé par Dieu, spirituellement. On peut donc dire que l'homme ancien est manipulé par ses mémoires, tandis que l'homme nouveau est manipulé par une intelligence instantanée. L'autre exemple que je donne souvent, je le répète parce que ça ne sert à rien d'en pondre d'autres pour ceux qui seraient tannés d'entendre répéter la même chose. Vous savez, je pourrais être diplomate, donner d'autres exemples pour ne pas frustrer ceux qui entendent tout le temps mais qui n'ont pas nécessairement compris. Alors, eux autres, ils pourraient dire « Ah, il dit quelque chose de neuf. » Non, je serais hypocrite. Je dis la même chose avec d'autres mots. Mais c'est une perte d'énergie. Alors, ce qui fait que je répète les mêmes choses, c'est la même chose que je vais expliquer. Lorsque vous avez un problème grave, et que vous avez suffisamment d'intelligence pour en voir la solution intelligente, vous n'avez pas le choix. Vous allez appliquer la solution intelligente. Donc, vous êtes manipulé. Et si l'être intelligent a dit « Non, j'ai le choix, je vais appliquer la solution stupide. » C'est pas un être intelligent. Vous n'avez pas le choix. Alors donc, il n'y a pas de libre-arbitre réel chez l'homme. Le libre-arbitre va commencer à transparaître chez l'homme intelligent, mais il n'y en aura jamais chez l'homme égoïque, chez l'homme psychologique, dans l'ego, dans l'âme de l'homme. Il n'y a pas de libre-arbitre. Alors, à quoi servirait donc la manifestation de cette énergie dite supramentale ou la manifestation, le contact du double éthérique ou de l'esprit avec l'ego si c'est encore une fois une question d'être manipulé? Alors, il faut comprendre ceci, c'est que la question que tu poses, elle est dans un contexte limité de la conception de l'homme. C'est-à-dire qu'on croit souvent que l'homme est l'ego. L'homme est les émotions. Je suis mes émotions, je suis mes mémoires. Tout ce que j'ai vécu, c'est moi. Et tout ce que je n'ai pas vécu, ce n'est pas moi. Alors, je peux dire aussi, tout ce que tu as oublié, ce n'est plus toi. et tout ce que tu as imaginé avoir vécu, ça devient toi. On croit que l'homme est l'ego, c'est l'homme psychologique. Au niveau de la conscientisation, à un moment donné, on parle de l'homme mental, et on dit, tiens, je suis mental et ego. Et est-ce que l'ego a un libre arbitre? Non, parce que l'ego fait partie de l'homme réel. L'être réel a un libre arbitre, chose sur laquelle on pourra revenir beaucoup plus tard. Allons-y morceau par morceau, étage par étage. L'énergie supramentale, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à l'homme réel. C'est quelque chose de différent et d'extérieur à l'homme psychologique. Alors, la pédale d'accélérateur de ton automobile, ce n'est pas le moteur. Mais elle fait partie de l'automobile qui serait l'homme réel. Les banquettes, le capot, le pare-brise, la tôle, la carrosserie extérieure, ce n'est pas l'automobile. C'est une partie de l'automobile. Alors, si le moteur se dit, moi, je veux contrôler, je veux avoir un libre arbitre, je suis désolé, mais il pourra pas aller nulle part où les roues ne voudront pas aller. Et si les roues veulent aller quelque part, si le moteur ne marche pas, les roues n'iront nulle part. Et si la pédale veut écraser, faire avancer le moteur doit être d'accord. Et si la pédale n'écrase pas, le moteur n'avancera pas non plus. Donc, l'ego, c'est un peu ce moteur, ou l'ego, c'est un peu cette carrosserie. Sauf que l'ego se croit à être tout le contexte total. Alors, lorsque le moteur, l'ego est intelligent. L'ego va désirer souvent ce qu'il peut avoir. Mais lorsque l'ego devient connaissant de tout ce qui existe, il devient un peu stupide, il commence à désirer des choses qu'il ne peut pas avoir. Alors automatiquement, il crée une quête de ces choses et le malheur, la souffrance, tout s'embarque. Si à un moment donné, le moteur se dit, lorsque on accélère, je vais accélérer, ben ça accélère. Mais si le moteur ne prend pas conscience que ça accélère lorsqu'il le veut, parce qu'effectivement, en même temps, on accélère sur l'accélérateur, le moteur un jour va dire, j'accélère. Mais il n'y aura personne pédé sur l'accélérateur. Alors le moteur n'accélérera pas. Alors le moteur va commencer à avoir peur de ne plus être capable d'avancer. Parce qu'il va faire une différenciation entre les moments où il fonctionne parce que quelqu'un pèse sur l'accélérateur, disons l'esprit, et les moments où il veut avancer, mais l'esprit ne veut pas peser sur l'accélérateur. Lorsque le moteur fonctionne et qu'il avance à toute vitesse, tant que le moteur n'a pas conscience de son existence, il est intelligent. Lorsque le moteur prend conscience de son existence, il commence à vivre le phénomène de l'homme, il commence à vivre le phénomène de la peur, parce que prenant conscience de son existence, il sait qu'il est là. Sachant qu'il est là, il a peur de ne plus être là un jour. Et tant qu'il ne sait pas qu'il est là, il n'aura jamais peur de disparaître. Sachant qu'il est là, il découvre qu'il fonctionne. Découvrant qu'il fonctionne, il veut fonctionner. Voulant fonctionner, il va essayer de créer des manipulations pour manipuler le véhicule au complet. Parce qu'il a peur. L'ego de l'homme, c'est ce qui ramasse la mémoire. C'est l'âme de l'homme. Accumulant expérience après expérience, cet ego finit par prendre conscience de son existence. C'est-à-dire qu'en réalité, il prend conscience de l'existence. Et non pas de son existence, mais de l'existence. Mais cette existence étant mémorisée chez lui, il croit que c'est son existence. Alors il va dire, un jour, je n'avais pas de corps physique, mais je vivais. C'est faux. Mais quelque chose d'autre de l'homme réel vivait. Et ça a été mémorisé chez lui, et lui croit que c'est lui. Et lui se dit, un jour, j'aurai la faculté de. C'est faux. Il a perçu quelque chose de l'esprit, il l'a mémorisé, il croit encore une fois que c'est lui. Il va se dire un jour, mon corps va mourir, mais je vais continuer. C'est faux. Lui, il va s'en aller dans des phases purgatorielles, dans des phases de digestion planétaire, tandis que l'esprit va se libérer. Et un jour, il deviendra l'esprit. Mais lui se dit un jour, je serai Dieu. C'est faux. Lui ne sera jamais Dieu. L'ego qui évolue, parce que l'ego veut évoluer. Le mental ne veut pas évoluer. Le corps physique ne veut pas évoluer. Le corps vital ne veut pas évoluer. L'énergie supramentale n'a rien à foutre de l'évolution. C'est l'ego qui va évoluer. C'est l'ego qui mémorise et qui se dit « Je connais l'existence, je connais l'univers, mais il m'en manque des bouts. Et ces bouts qui me manquent, je veux les trouver. » Et ce cheminement, j'appelle ça l'évolution. Mais ces bouts qui lui manquent, même s'il en trouve certaines parties, il lui en manquera toujours. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas limité par l'ego. Comment pouvez-vous, à un moment donné, être l'univers? Pour être l'univers, vous devez cesser d'être vous-même. Et c'est tellement évident que l'ego ne peut pas le percevoir. L'ego veut être Dieu. Donc, l'ego se crée une enveloppe, qui est le péristyle de l'âme, l'enveloppe de l'âme. Et cet ego, cette âme, veut évoluer, donc il essaie d'accaparer des énergies, des connaissances, de l'information, des contacts avec des dieux, pour pouvoir dire « j'ai eu un contact avec Dieu, je commence à être Dieu ». Pourquoi commence-t-il à être Dieu? Parce que chez lui, il y a cette mémoire du contact. Je commence à être fusionné supramentalement. C'est faux, l'ego n'a rien à faire avec la fusion. La fusion va détruire l'ego. Elle va le supramentaliser, mais il n'y aura plus d'ego. Mais vu qu'il a eu le contact, il a eu l'expérience, il se dit « je commence à être ». Tu ne commences pas à être. Tu commences à expérimenter ce que l'être réel est. Donc, tu commences à savoir que ce que tu penses que tu es, ce n'est pas ce que tu es. Mais l'ego, avant qu'il comprenne ce mécanisme, ça va prendre un certain laps de temps d'expérimentation. Lorsque cet ego, lorsque cette enveloppe retient ce qu'elle mémorise, parce que l'homme ne veut pas oublier. Et pour ne pas oublier, l'homme doit conserver ses mémoires. Conservant ses mémoires, il croit connaître l'univers. Il croit devenir quelqu'un. Et plus un homme apprend, spirituellement ou matériellement, plus il croit être quelqu'un. Quand un homme connaît la loi, quand un homme connaît la science, quand un homme connaît les religions, il croit être quelqu'un parce qu'il peut parler, agir devant les autres. Je suis quelqu'un. Il n'est qu'un bagage mémoriel, il n'est rien d'autre. Il a l'apparence d'être quelque chose de plus. Mais cette enveloppe qui fait que la mémoire ne s'échappe pas, qui fait que tu n'oublies pas, elle fait aussi qu'elle te sépare de l'univers. Te séparant de l'extérieur complètement, tu ne seras jamais l'extérieur. Parce que pour être l'extérieur, c'est simple. Prends une aiguille, tu pètes la balloune, automatiquement, tu disparais. Et tu es l'univers. L'ego ne peut pas vivre cela parce que l'ego a une mission, l'ego a une fonction particulière au niveau du plan planétaire pour forcer les énergies à connaître les expressions énergétiques. Je n'élaborerai pas trop dans ce domaine parce que c'est le thème de la conférence la semaine prochaine sur les mécanismes de la réflexion. L'énergie, pour connaître la matière, se doit de devenir matière. Tandis que l'ego, pour connaître tout l'univers, se doit simplement d'avoir des liaisons, des contacts avec des parcelles de d'autres choses qui font partie de l'homme réel. Et lorsqu'il les mémorise, il s'imagine que lui les a vécues. Il s'imagine que c'est lui. Alors, lorsqu'on parle de libre-arbitre, on se demande si l'homme a un libre-arbitre. L'homme réel a un libre-arbitre total. C'est d'ailleurs lui qui crée les paramètres d'évolution de l'ego, du mental, des énergies supramentales et des autres. Mais l'ego n'a pas de libre-arbitre. Pourquoi vous n'avez pas de libre-arbitre? Parce que vous, vous êtes interdit ce libre-arbitre. Mais l'ego qui est chez vous, qui mémorise, s'imagine que plus il aura mémorisé, plus il pourra étendre le champ de son libre-arbitre. Ce qui est d'une façon vraie et ce qui est d'une façon faux. Alors, si tu dis que l'homme réel a un libre arbitre, il faudrait que tu définisses l'homme réel. Bon, l'homme réel, on pourrait le définir longuement. L'homme réel, c'est... Je vais le définir, mais ça ne sera sans doute pas nécessairement compris parce qu'il peut manquer beaucoup de données. On peut revenir dessus. On va revenir de toute façon dans différentes conférences. D'ailleurs, le mois de février, on va attaquer un peu l'homme réel parce qu'on a une conférence qui s'intitule « Qui est Dieu ?» La suivante « Qui est Satan ?» La suivante « Qui êtes-vous ?» Puis l'autre, pourquoi l'ignorance de tout le reste? Alors, on y reviendra donc dans un mois. On est pas mal fragmenté. On est extrêmement fragmenté. En réalité, on est unifié. Mais l'ego s'identifiant tellement à tout l'être réel, lorsqu'il découvre quelque chose, tiens, c'est un fragment perdu. La seule chose qui est perdue, c'est l'âme de l'homme. C'est l'ego de l'homme. C'est la psychologie émotive évolutive de l'homme qui est perdue. Alors, cet être, cette identification évolutive, celle qui veut évoluer, qui est un bien pour l'instant, c'est totalement utile à l'homme. Mais c'est un laps à passer et le règne le plus souffrant de l'arrêt d'involution, donc de l'évolution, c'est la constitution d'un être dans l'être réel, d'un fœtus de l'ego, pour le laisser germer vivre, pour ensuite le détruire. Parce que l'homme devra mourir, c'est-à-dire que l'homme psychologique, toutes les mémoires, tout ce qui est dedans devra mourir, pour qu'enfin naisse l'homme réel. Qu'est-ce que c'est l'homme réel? L'homme réel, c'est tout ce qui touche du haut de sa tête, je le fais imager. On va être plus clair plus tard. L'homme réel, c'est un être qui, par ses cheveux, touche l'inexistentiel. Donc, effleure le contexte où il n'y a ni temps ni espace. Là où la matière et toutes les formes d'expression supérieures à la matière ne peuvent pas exister. Lorsque l'homme se pose la question « Qu'y a-t-il à l'extérieur de mon système solaire? » Il va répondre « Antiquement, on disait le ciel. Maintenant, on répond l'univers. » Qu'y a-t-il à l'extérieur de l'univers? Il y a d'autres galaxies. Qu'y a-t-il plus loin que toutes ces galaxies? Dans une certaine conscience, on va dire « Il y a un super univers. » Qu'y a-t-il à l'extérieur de ce super univers? Alors on va dire, il y a d'autres super univers. Qu'y a-t-il à l'extérieur de l'intérieur? Pour finir par couper court à un moment donné à l'extension. Alors ça, c'est mon intérieur. Y a-t-il une limite à ce qui existe? Y a-t-il une limite à? Il y a une limite. Elle ne peut pas être conscientisée par l'homme mémoriel qui vit dans une sphère limitée, l'âme. Et l'homme va donc essayer de représenter le macrocosme à partir de son microcosme, c'est-à-dire qu'il va quand même voir une sphère, une limite quelconque, imperceptible, imperçue, mais évidente selon son raisonnement à cet univers. Mais s'il y a une limite, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui peut contenir la limite. Donc, il n'y a pas de limite. Mais s'il n'y a pas de limite, à un moment donné, ça va jusqu'où pour l'homme? L'homme, dans sa conscience, ne peut pas arriver présentement à goûter ce contexte. Donc l'homme réel, ce sera en quelque sorte la contrepartie invisible de l'homme matériel, perçu. Non. L'homme réel, ça comprend tout ce qui s'exprime énergétiquement. Bon, alors on va essayer brièvement, mais encore une fois, ça ne sera pas nécessairement compris, mais ça peut préparer le terrain pour le mois de février. Il y a un endroit où il y a des choses qui n'existent pas. Et ça, c'est la définition la plus appropriée dans la langue française que l'on peut donner de l'extérieur. Où tout est en potentiel? Par rapport à l'intérieur, tout est en potentiel. Mais ce potentiel n'a pas d'intention d'être réel ou actuel. Donc, à l'extérieur, il y a des choses qui n'existe pas. Et à l'instant même où on a cette sphère de temps et d'espace, on a l'existence. Parce que pour qu'une chose existe, elle doit en avoir le temps. Mais il y a un endroit où il n'y a pas de temps. Et il n'y a pas non plus d'existence. Alors l'homme réel, c'est l'homme incréé? L'homme réel, présentement, c'est l'homme créé qui est totalement présent dans cette sphère spatio-temporel et non pas seulement apparent dans la limitation très dense du plan planétaire. Cela veut dire qu'on a les énergies matérielles qui vont apparaître lorsqu'on a une réflexion d'énergie créée dans ce contexte spatio-temporel, ce que l'homme peut appeler aussi Dieu, mais ce que le Nazaréen appelait le Père dans les cieux. Ces énergies vont donc porter le nom ésotérique d'énergie divine. Celles-ci s'éloignant ou pénétrant dans cet univers spatio-temporel, vont être ralentis par le temps. Ils vont devenir ce que ésotériquement nous appelons les énergies bouddhiques, qui n'ont rien à voir avec Bouddha. Continuant leur ralentissement, ils vont devenir ce que nous appelons les énergies supramentales. Et dans un contexte expérientiel planétaire, continuant leur ralentissement, cela devient le corps mental, le corps astral, le corps vital, le corps physique de l'homme. Donc l'homme réel, c'est de l'énergie non dégradée? Non, c'est l'énergie matérielle en montant jusqu'à l'énergie divine. Donc, l'homme réel... Donc, il n'y a pas lieu de faire de séparation ou de scission. Le danger, ce serait de vouloir mettre peut-être l'accent sur un extérieur et un intérieur. C'est un tout. C'est-à-dire que l'homme réel existe. Mais on n'en a pas conscience. Non, parce que c'est l'ego qui essaie de se représenter l'homme réel. Donc, c'est la conscience qui est fragmentée. Exactement. Inconscience, subconscience, fausse conscience, conscience réelle, absolue, spirituelle. Oui. Puis qu'est-ce que c'est que toutes ces consciences? Ce sont toutes les consciences que tu n'as pas à la conscience. Et quand tu as ton inconscience à la conscience, ta conscience antérieure devient consciente et l'inconscience, tu l'as là. Exemple, lorsque je t'hypnotise et je te rappelle ton passé, tu n'as pas conscient de l'actuel. L'actuel est inconscient, tandis que l'inconscient, quand tu étais conscient, devient conscient maintenant. Bon. L'extérieur... On s'habitue au bout de 2 ans. Inquiétez-vous pas, ça viendra. Mais là, c'est que tu poses des questions qui demandent un certain vocabulaire le vocabulaire n'existant pas, on en crée de temps en temps, mais il faut quand même laisser les auditeurs s'adapter au vocabulaire. L'homme réel, ce n'est pas l'homme matériel. Ce n'est pas l'homme vital. Ce n'est pas l'homme psychologique. Même si on a une tendance dans la psychologie moderne à dire que l'homme, c'est l'émotion. Ce n'est pas l'homme mental. Ce n'est pas l'homme supramental. Plus haut, ce n'est pas l'homme bouddhique. Ce n'est pas l'homme divin. L'homme réel, ce sont ces sept plans fusionnés. Ça, c'est l'homme réel. Donc, l'homme réel existe et à l'extérieur de l'existence de l'homme réel, on ne parle plus de l'homme, on ne parle plus de l'homme réel, ça n'existe plus, c'est là. Bon, donc il est plus en devenir que dans un lieu du passé ou éloigné ou extérieur, il est en devenir. Ah, il est passé, effectivement, oui. Puis devenir, il faut s'entendre, c'est qu'il est présent, mais l'ego l'ignore. Et le travail de l'ego présentement, c'est de découvrir la faculté qu'aurait une autre partie, qui n'est pas une autre partie, mais que lui appelle une autre partie parce que lui a mis une limite. Oh, mais vois-tu, dans ta définition de l'homme réel, tu dis « il n'est pas ceci, il n'est pas cela, il n'est pas ceci, il n'est pas cela », et on pourrait croire que c'est comme un négatif d'une photo à ce moment-là. C'est pas ça que tu veux dire. Non. Il est la photo, il n'est pas le négatif, il est la photo. C'est que dans toutes ses dimensions. Oui, il n'est pas une strate. Il n'est pas l'autre strate non plus. Il n'est pas l'autre strate. Il est tout l'ensemble au complet, mais dans l'ensemble, il y a un endroit qui s'appelle l'ego, qui s'appelle la psychologie, qui s'appelle l'homme évolutif, qui s'appelle l'âme. Et cet endroit-là, il a mis une couche en haut, une couche en bas pour pouvoir garder à lui l'expérience amenée par les autres plans. Et il dit, moi, je suis. Je pense, donc, je suis. Et moi, je veux évoluer, je veux entrer en contact avec Dieu. Mais Dieu, c'est lui. OK. Donc, c'est une multidimensionnalité totalement consciente d'elle-même. Oui. Cet homme réel. Mais une partie de cette multidimensionnalité s'est identifiée à l'ensemble. C'est l'ego. Et cet ego, donc, est manipulé par l'ensemble. C'est ce qui fragmente la conscience. Exactement. Alors, lorsqu'on va dire que lorsque l'homme vient sur le plan planétaire, il choisit sa vie. Mais l'ego ne choisit pas sa vie. L'ego se fait fourrer chaque fois qu'il vient sur le plan planétaire. Chaque fois qu'il se réincarne, c'est jamais comme ça qu'il entrait. Mais il est nécessaire d'être là. Ben, évidemment. Mais l'ego se plaint. C'est pas la bonne famille, c'est pas le bon père, il n'y a pas les bons yeux, j'ai pas le bon nez, je suis pas assez riche, je suis trop riche, j'ai pas les bons amis, j'ai pas la bonne job. C'est jamais dans le bon temps. J'aurais été mieux d'être au Moyen-Âge ou à l'époque des samouraïs ou dans 20 000 ans. Il est jamais content, l'ego. Mais l'ego choisit. Comment ça se fait qu'il choisit? Puis il est jamais content. C'est que lui ne choisit pas. L'homme choisit. Pas l'homme psychologique. L'ego choisit pas. L'ego est placé toi. Mais quand je dis toi, je ne parle pas à ta psychologie. Je parle à toi, dans l'entité complète. Toi, tu choisis ce que tu as à faire. Tu places les paramètres de ton évolution comme ça te plaît. Et la partie sur le plan planétaire, matériel, qui s'identifie à l'être complet, se recherche. Et là, il dit, je veux entrer en contact avec Dieu. Parce que lui-même s'est mis des limites, donc il s'est lui-même dissocié dans sa conscience, pas dans la réalité, mais dans sa conscience. C'est-à-dire qu'il a trouvé son identité par exclusion de tout ce qui l'entoure. Il dit, je suis ceci parce que je ne suis pas cela. Je suis chrétien parce que je ne suis pas musulman. C'est ce que tu leur disais, c'est ça. Il s'est créé une enveloppe, et là, il peut dire, je ne suis pas Dieu parce que je suis cave, mais je connais Dieu parce que je l'expérimente. Je ne suis pas un tel parce que je suis moi, ou je suis moi parce que je ne suis pas toi. Et je suis, moi, un homme évoluant parce que je ne suis pas l'univers. Ben, c'est ça. Donc, il a tracé le périmètre de sa prison autour de lui par exclusion. Il va péter le périmètre. Il pourra pas dire, je ne suis pas parce que je, parce qu'il sera même plus là. Il faut qu'il rentre en contact avec les autres dimensions de lui-même, de l'être réel. Pour l'instant, il est obligé d'entrer en contact avec ces dimensions de façon à ce que ces dimensions de lui-même viennent l'instruire qu'eux autres sont là. Et que tout ce que lui recherche est déjà présent, mais il faudrait juste qu'il finisse par arrêter de les refuser. Exactement comme la personne qui est en santé, qui est totalement guérie, mais qui continue à boiter. Parce qu'elle ne sait pas qu'elle est guérie. Alors, on n'a plus besoin de lui donner de médicaments, on doit l'instruire, donc on doit la manipuler, on doit la psychologier, on doit lui faire comprendre qu'elle est guérie. Et lorsque, ah oui, bon là, commence à marcher comme il faut, ben oui, c'est un miracle, c'est pas un miracle, t'as toujours été guéri. Mais t'as jamais voulu l'accepter. Bon, alors ça, c'est le même mécanisme chez l'homme qui tend à évoluer. C'est des stades de réalisation, en fait. Exactement. Prendre conscience de... Okay. La conscience de l'homme, elle fragmente l'homme. L'homme, de temps en temps, se dit colérique. De temps en temps, il est pour la paix. De temps en temps, il ne sait plus. De temps en temps, il vote pour un parti. Deux semaines après, il regrette. De temps en temps, il aime. De temps en temps, il n'aime pas. C'est la conscience de l'homme qui est fragmentée, pas l'homme. Mais cette conscience, qu'est-ce que c'est? C'est la seule chose qui permet l'enregistrement mémoriel de n'importe quoi. La conscience de l'homme, c'est là où vont être reflétées les énergies. C'est là qu'on va pouvoir enregistrer dans la mémoire, donc dans l'ego. C'est là qu'on va pouvoir donner de l'expérience à l'ego dans la conscience. Et chaque fois que l'ego, chaque fois que l'homme psychologique, chaque fois que vous, essayez de savoir si vous êtes capable de faire quelque chose, vous allez essayer de fouiller dans vos mémoires inconscientes, les amener à votre conscience pour pouvoir vous en rappeler. C'est le terme qu'on emploie. Et à partir de ce que vous allez être capable de projeter sur votre écran de la conscience, vous allez pouvoir dire « je suis un tel, je ne suis pas un tel, je suis capable, je ne suis pas capable, etc. » Tandis que lorsque l'homme commence à être un peu plus mental, il fouille dans ses mémoires, il n'a pas besoin de le projeter sur la conscience, il ne va projeter que le résultat dans sa conscience, pour informer l'ego que le résultat est arrivé. Alors certains vont réfléchir à une solution en pensant dans leur tête. D'autres vont réfléchir en faisant le vide dans leur tête. Ils sont figés, ils attendent. Et d'un coup, ils ont la solution. Eux ont passé par un processus mental, qui peut être aussi intellectuel s'il est assujetti à l'émotion, mais un processus quand même mental, qui ne vient donner à la conscience que le résultat, pour que l'ego puisse savoir qu'il a le résultat. Parce que l'ego chez l'homme normal, l'homme ancien, est ce qui permet l'expression ou non. Et qu'est-ce qui se passe si l'ego, il trippe sur le résultat qu'il vient de recevoir? Si l'ego trippe sur le résultat qu'il vient de recevoir, il va essayer les prochaines fois, lorsqu'on voudra réfléchir, il va essayer lui-même, parce qu'il va s'imaginer que c'est lui qui a trouvé la solution. Alors, il va essayer d'empêcher le mental de travailler pour lui-même essayer de penser une nouvelle solution, et il va se frapper encore le nez sur des murs. C'est comme les guérisseurs qui pensent que c'est eux qui guérissent, ils ramassent tous les bobos des patients. Le guérisseur ne peut pas guérir. C'est-à-dire que l'ego ne peut pas guérir parce que la guérison est un principe vital, non pas un principe astral. Ce n'est pas un principe psychologique. Exactement. Lorsque le guérisseur s'imagine qu'il guérit, il va être capable d'absorber les énergies maladives des autres, donc les perturbations d'énergie vitale. Alors, à un moment donné, il est tout content. Il y a 15 patients guéris, puis lui, il y a 15 maladies qui vont apparaître chez lui. Tout content, tout fier. Et après ça, s'il meurt, alors on va dire, c'est un homme de bonne volonté, il a souffert, c'est un martyr, c'est un imbécile. Bon. Mais ça, on ne le dit pas. Donc, c'est juste un processus de canalisation, mais l'ego a toujours tendance à vouloir récupérer tout ce qui se produit comme phénomène autour Exactement. De lui. Exactement. Lorsque l'ego est capable de récupérer une énergie intentionnelle, donc l'énergie supramentale, mais sans trop la déformer, sans trop la canaliser selon son propre émotion, lorsque l'énergie supramentale pénètre l'ego, amener l'ego vers un schéma écologique, de prime abord collectif, automatiquement l'ego est ce qu'ésotériquement on peut appeler un homme de bonne volonté. L'ego a assimilé, il a intégré, mais il s'est fait fourrer par l'énergie intelligente, alors l'ego commence à dire « moi, moi, moi, moi, moi, moi, je m'aime, je m'aime, je m'aime. » Mais peut-être que c'est pas correct. Alors là, c'est parce que l'énergie supramentale vient de commencer à diriger l'ego vers une écologie. Alors, c'est un être de bonne volonté. Alors, l'ego, ce serait comme un robinet qui, de temps en temps, se prendrait pour l'eau qui coule à travers lui. Oui, il se prend pour tout. Il n'y a pas grand-chose, l'ego, à part un gros frais. Lorsque l'énergie supramentale arrive à diluer encore plus la coloration de l'ego et donc à diriger un peu plus l'ego vers le haut, l'ego commence à tendre vers une évolution. L'ego, c'est dans l'âme, on a l'astral individuel, donc on va commencer à nourrir un astral un peu plus spirituel. Alors, on passe par l'astral extrêmement matériel, où la personne n'a qu'elle-même ses émotions, ce qu'on appelle un peu l'âme animale. Alors, elle veut jouir, elle veut manger, elle veut être bien tout le temps, elle veut avoir chaud, elle veut être en sécurité, elle veut gagner, elle veut avoir de la valeur, elle veut se prouver que, bon, alors elle est l'entité sublime. Lorsqu'on tombe dans un astral un peu plus haut, on va avoir un astral, par exemple, qui va être social, collectif. Où tu ne comprends rien, la collectivité, mais tu en as besoin, ce qui fait que tu n'as pas le choix, fait que tu essaies de fonctionner un peu avec eux autres. Tu voles un peu, mais de temps en temps, en fait, tu fais au moins comme si tu étais bien et honnête, mais tu fais d'autres choses. Augmentant un peu la déformation de l'énergie supramentale sur l'ego, donc sur les mémoires, tu atteins un astral moral, où là, tu commences à être influencé par la morale. Tu ne comprends pas, mais parce que tout le monde dit, tu le fais. C'est une forme de conscience spirituelle, pour oui, ce genre-là? Oui, mais morale. Un peu plus déformé, l'énergie supramentale crée l'astral spirituel. Là, tu veux te lancer en mission pour aider. Tu es un peu plus écologique, de plus en plus écologique. Et à un moment donné, l'ego vire complètement et là, tu deviens ce qu'on pourrait appeler conscient, donc mental. Là, tu sais maintenant que tu dois te diriger vers une conscience individuelle. Alors donc, tu ne dois plus être un homme de bonne volonté. Tu vas être un homme qui ne colorera plus la volonté intentionnelle qui descend chez toi, mais celle-ci pourra s'exprimer directement. Pour cela, tu comprends les mécanismes de l'écologie, les mécanismes de la conséquentialité. Tu sais que tout ce qui est en bas, par ce dont tu es passé, est bon, mais plus pour toi. Ça ne peut pas te nuire, tu ne vas donc pas le détruire, parce que là, tu n'as rien compris encore une fois. De l'intellectualisme, c'est un chemin entre la conscience et l'inconscience, l'intellectualisme. Et lorsque l'ego est complètement sublimé par l'énergie supramentale, celui-ci va être détruit, va être supramentalisé pour créer le corps éthérique, comme on l'a vu dans la conférence « La psychologie de l'homme nouveau ». Est-ce qu'il est détruit ou transmuté? C'est la même chose. Pour l'ego, il est détruit. Cosmiquement, il n'est pas détruit, il est transmuté. OK, on te remercie beaucoup. Daniel Kemp. Pour tous les...